Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Avec un magazine conso, hein, parce qu'il faisait longtemps, et puis on est début octobre, et il y a longtemps que la presse consumériste est déjà parue dans les kiosques. Alors j'ai retenu quelques articles de l'Union fédérale des consommateurs dans sa revue mensuelle de Que choisir. Et puis tout d'abord, je me permettrai de faire allusion à l'édito de Arnaud de Blove, rédacteur en chef de Que choisir, qui parle de procès d'intention. Et je me permets de le citer. Le 23 septembre s'ouvre devant le tribunal correctionnel de Paris le procès du médiator. 6 mois d'audience, 4000 parties civiles, 14 personnes physiques et 11 personnes morales appelées à comparaître. Notamment pour tromperie sur la qualité d'un produit, escroquerie, destruction de preuves, corruption. Un procès hors norme qui suscite la critique avant même son ouverture. Plusieurs observateurs, partis à l'instance, s'étonnent de ne trouver parmi les prévenus ni responsables politiques, ni hauts fonctionnaires de la santé publique. Ainsi donc, le médiator a été remboursé par l'assurance maladie durant 33 ans, sans que l'on puisse reprocher à quiconque la moindre négligence ou complicité. De procès, il n'en est pour l'heure pas question dans une autre tragédie. Le crash du vol Air France Rio-Paris en 2009. Début septembre, les juges d'instruction chargés du dossier ont prononcé un non-lieu. 10 ans d'enquête pour en arriver là. Ils ont considéré que la perte de contrôle de l'appareil résultait des actions inadaptées, nous citons, des pilotes, et que leur investigation ne permettait pas de caractériser un manquement fautif d'Air France et d'Airbus. Les pilotes ayant emporté avec eux, équipage et passagers dans l'océan, la décision bloquait de facto la tenue d'un procès. La décision bloque de facto la tenue d'un procès. Le parquet qui avait requis des poursuites contre la compagnie aérienne a fait appel. Les familles des victimes tiennent à un procès, elles peuvent encore espérer. Pour la justice pénale, condamner à une peine d'amende et ou de prison suppose de collecter des preuves solides. Or, remonter le fil exact des événements et des responsabilités dans toutes les affaires comme le médiator ou le vol Rio-Paris est une mission complexe, sinon impossible. Forcément, ces décisions peuvent apparaître injustes, inhumaines, partiales, voire partielles, ou encore scandaleuses. La vérité de la justice n'est pas la vérité, c'est seulement sa vérité. Ici se situe la limite entre notre état de droit. Voilà, dans notre état de droit plutôt. Voilà, donc j'ai tenu à citer Arnaud de Blove, puisque pour une bonne raison, c'est qu'il y a quand même deux procès qui font état justement de difficultés pour la justice de discerner exactement les responsabilités. Voilà, en sachant aussi, alors en passant, hein, une petite parenthèse, qu'on ne sait toujours pas le fameux crash de l'avion au-dessus du Mali, où étaient en particulier les amis André Joly et Yuta, les causes de cet accident, on ne le sait toujours pas. Voilà, des années après. Alors on va changer de rubrique pour aller dans les infos express, en particulier le Que choisir. Alors vous saurez presque tout sur la purée. Un accès au moins virtuel vient de s'ouvrir sur la fabrication de la purée mousseline par Nestlé, propriétaire de la marque. Et Carrefour met à disposition du consommateur des informations telles que l'origine des pommes de terre, les dates de production du lot, du contrôle qualité de sa livraison. Il suffit de flasher sur un smartphone un QR code imprimé sur l'emballage et d'entrer le numéro du lot. Apparaît alors un déroulé livrant outre les dates, des données sur les variétés de patates et deux vidéos, la première présentation. Un agriculteur fournisseur de l'usine Mousseline de Rosières en Santerre, dans le 80. La seconde monte à fabrication de la purée Nestlé et Carrefour se servent ici d'un blockchain, base de données sécurisée autorisant un partage d'informations non falsifiables. Le distributeur l'avait déjà fait pour des denrées brutes vendues sous sa marque. Mais ici, il ne dit pas tout. Quand une responsable explique que la purée est constituée à 99% de pommes de terre, c'est le 1% restant qui nous intéresse, dit Que Choisir. Il précise, on utilise des arômes et des épices. Lesquels ? La liste d'ingrédients comprend des mono et diglycérides, d'acide gras, issus du colza, employés comme émulsifiants, gélifiants et antioxydants. Expliquer leur présence aurait utilement complété la démonstration de transparence. D'autant qu'ils sont classés orange, peu recommandables dans l'évaluation des additifs alimentaires de Que Choisir. Voilà, ben on ne vous dit pas tout. On a toujours l'impression que les choses sont transparentes, qu'on peut savoir, mais on ne sait pas tout. Alors, les cures thermales. Ben, il y a un embarras de la Sécu, paraît-il. On ne sait, les grilles de remboursement de l'assurance maladie ne brillent pas par leur clarté. Le mois dernier, nous évoquions, dit Que Choisir, le lièvre soulevé par les Didier Jean, un couple de l'Aube. Ils disaient avoir découvert que des soins pris en charge n'étaient en réalité pas effectués par les établissements thermaux. La faute à des conventions rédigées de manière ambiguë. La CPAM de l'Aube l'a admis dans un courrier adressé aux Didier Jean cet été. S'agissant des dispositions prévues par la Convention nationale thermale, les représentants du Conseil national des établissements thermaux, tout comme la présidente de la Commission paritaire nationale thermale, sont convenus de réécrire l'article 11-2 qui définit les soins pris en charge et l'objet du problème. Ces travaux sont engagés fin 2009 et aboutiront en 2020. D'ici là, bien sûr, le flou règne. Voilà, alors si on vous dispense pas tous les soins qui sont prévus dans un établissement thermal, ben, essayez de réclamer et puis de faire connaître votre position auprès des organismes de consommateurs, en particulier l'Union fédérale des consommateurs. Et puis auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, bien entendu. Alors, on va parler tourisme. Il y en a beaucoup qui profitent du mois de septembre, octobre, pour partir en vacances. Depuis 1992, les Français, confrontés à un problème d'ordre le voyage, activité annuée, hôtel de catégorie inférieure à celle prévue, date de vol modifiée, peuvent se retourner contre le vendeur du séjour, responsable de plein droit du respect des prestations promises. Dans la transposition d'une directive européenne datant de 2015 relative aux voyages à forfait, ceux vendus sous forme de package, qui renforce la protection des consommateurs depuis 2018. Cette spécificité française a été conservée, ce à quoi s'opposent les voyagistes, le syndicat, les entreprises du voyage, le syndicat des entreprises de tour operating, l'Association professionnelle de solidarité du tourisme et la Société Voyageurs du Monde ont demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès. Voyageurs du Monde ont demandé au 20 septembre portant transposition de la directive. Selon eux, conserver la responsabilité de plein droit possède une surtransposition de la directive européenne entraînant, je cite, un écart de réglementation substantiel avec les autres États membres, et d'une perte de compétitivité pour les organisations de voyage français. Après avoir entendu, entre autres, l'avocat de l'UFC Que Choisir, le Conseil d'État a rejeté leur requête cet été, en prévoyant, je cite, une responsabilité de plein droit des professionnels qui vendent un forfait touristique, responsabilité dont ils peuvent toutefois s'exonérer en tout ou partie, en apportant la preuve que le dommage est imputable au, au voyageur ou à un tiers. L'ordonnance a précédé à une exacte transposition de la directive et n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, institué en droit français une responsabilité des professionnels plus étendue que celle résultant des objectifs de la directive. Voilà, écrit dans l'arrêt du Conseil d'État. Ça permet quand même de protéger effectivement les personnes donc, qui voyagent à partir de la France. Hein, alors la distorsion de concurrence n'a pas été reprise par le Conseil d'État. Qu'en sera-t-il de la Cour européenne de justice? Nous verrons bien, si du moins... Bien sûr, ces organismes font appel à la Cour européenne de justice. Que résulte-t-il de ce problème de la protection du voyageur qui est pour le moment sauvegardé? Le consommateur peut se retourner contre le vendeur. La responsabilité de plein droit permet au voyageur d'identifier son interlocuteur en cas de non-exécution, mauvaise exécution ou défaillance de sécurité d'une prestation achetée. Une disposition en droite ligne avec le texte de la directive européenne qui prévoit que la responsabilité du professionnel est, je cite, « indépendante du fait que ses services doivent être exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage ». La protection du consommateur prend ici toute sa valeur puisqu'il peut se retourner contre celui qui lui a vendu le forfait touristique, à charge pour ce dernier d'obtenir la réparation auprès du prestataire défaillant, comme le précise d'ailleurs la directive européenne. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de positif, hein, parce que c'est vrai que souvent les responsabilités étaient diluées entre le voyagiste et les prestataires de services auxquels le voyagiste faisait affaire. Et puis là-dedans, bien sûr, le consommateur ne s'y retrouvait pas. Voilà. Alors, on va changer tout à fait de sujet, puis on va parler de l'emploi à domicile. Délégué à CESU+. Employer un salarié à domicile devient plus simple, tant pour le particulier employeur que pour le salarié. C'est la promesse du CESU+, mis en place par l'URSSAF, afin notamment de s'adapter au prélèvement de l'impôt à la source. L'organisme propose ce service à ceux d'entre vous ayant recours à des prestations à domicile, garde d'enfants, ménage, jardinage, etc. Avec l'accord de votre salarié, complétez l'attestation d'adhésion à CESU+ sur le site cesu.ursaf.fr. Donnez ensuite le mandat au Centre national CESU pour prélever le salaire de votre employé sur votre compte bancaire et le verser directement sur le sien, chacun ayant au préalable transmis ses coordonnées bancaires. Une fois ces démarches accomplies, votre salarié et vous-même recevez un email de confirmation d'adhésion. Vous n'avez qu'à enregistrer votre déclaration chaque fin de mois. CESU+ prélève le montant de la rémunération déclarée sur le compte de l'employeur sous 2 jours ouvrés, puis verse le salaire à l'employé 3 jours après la déclaration. À compter du 1er janvier 2020, il prendra également en compte pour l'employeur le prélèvement de l'impôt à la source des salariés concernés. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, certainement beaucoup plus de facilité que le CESU actuel, hein, qui est hyper centralisé d'une part, la façon d'être obligé de passer souvent par sa banque, etc., par des méandres administratifs pour employer quelqu'un à domicile à titre provisoire, j'entends bien, parce que le CESU ne peut pas remplacer, bien sûr, le bulletin de salaire pour une longue période. Hein, il s'agit d'activités ponctuelles ou d'activités ayant peu d'ampleur sur une semaine, si je me souviens bien, moins de 9 heures. Voilà, hein, parce que bien sûr, on abuse pas mal aussi du CESU pour des salariés qui sont, par exemple, à mi-temps, sur un emploi familial. Un emploi à domicile. Voilà, alors, on va parler de... des nourrissons, des laits pas si hypoallergéniques que ça. Une étude conjointe de l'Institut national de la recherche agronomique, INRA, et de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, sur les laits en poudre hypoallergéniques, HA, paru cet été dans la revue pédiatrique Allergie en Inde, Immunologie, jette un doute sur ces produits. Non seulement leur formule ne semble pas diminuer le risque d'allergie future, mais elle pourrait même être liée à leur augmentation. Les données sont tirées de l'étude épidémiologique française. Elles ont qui a pour objectif d'observer l'évolution de 15 000 enfants nés en 2011 jusqu'à l'âge adulte. Le recours au lait HA à 2 mois s'est traduit par un risque accru à 1 an de gènes respiratoires chez les sujets à risque et 2 ans d'allergie alimentaire, aussi bien chez les petits prédisposés que chez ceux sans antécédents familiaux. Les deux instituts ne tirent pas de conclusion définitive. Il faudrait contraindre les fabricants à prouver l'efficacité de leur préparation sur les allergies avant qu'ils ne puissent en faire la promotion. Voilà, souvent des publicités assez mensongères. Et puis quand il s'agit de nourrissons, c'est quand même particulièrement grave. En sachant bien que, bien sûr, l'usage du lait maternel est quand même conseillé par rapport à ces laits reconstitués. On va continuer à parler de l'alimentation des bébés. Selon que choisir, l'industrie gave les bébés. Entre profil nutritionnel défavorable et information sur l'emballage non conforme aux recommandations, nombre de jus de fruits, lait en poudre, céréales, biscuits, compotes et autres purées pour nourrissons ne satisfont pas au principe d'une alimentation équilibrée. Dans un rapport publié le 15 juillet 2019, le Bureau européen de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a adressé un réquisitoire sévère contre les produits pour les tout-petits vendus par l'industrie agroalimentaire. L'OMS a étudié près de 8000 aliments collectés entre fin 2017 et début 2018 dans les commerces de détail de Vienne, en Autriche. Entre fin 2017 et début 2018, dans les commerces de détail de Vienne, Sofia, Bulgarie, Budapest, Hongrie, et Haïfa, Israël, dans 3 de ces villes, la moitié ou plus des denrées étaient trop sucrées. D'autres étaient trop salées, et beaucoup contenaient des arômes, vanille, cannelle, chocolat, cacahuètes. Voire des associations surprenantes destinées à cacher le goût de certains ingrédients. Pommes, pommes de terre, purée de pommes, poulet, truffes, pommes mangue. Or, selon l'OMS, je cite, « ces arômes et sucres ajoutés peuvent exercer une influence sur les préférences gustatives des enfants. » Fin de citation. « Plus susceptibles en grandissant de privilégier les aliments sucrés et riches en matières grasses ou en sel. Des caractéristiques typiques de l'alimentation ultra-transformée, dont des études montrent pourtant les conséquences dommageables sur la santé. » Eh bien voilà, ça méritait d'être cité. Et puis il y a des mentions trompeuses. Dans les 4 villes, entre 28 et 60% des produits étudiés ont été vendus avec la mention « convenant aux nourrissons de moins de 6 mois ». Là aussi, l'OMS s'inscrit en faux. Elle recommande depuis longtemps l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de vie de l'enfant. Des termes comme « approprié » ou « convenant au bébé de cet âge » apposés sur les aliments de diversification alimentaire, autre que le lait en poudre, qu'il soit solide, purée, compote ou liquide, jus de fruits et autres boissons, sont donc en contradiction avec ce message. L'institution estime que ce type de produit ne devrait même pas être commercialisé pour cette tranche d'âge. C'est particulièrement sévère quand même, mais enfin, l'OMS fait enfin son travail sur cette... sur l'alimentation des nourrissons, l'alimentation agroalimentaire des nourrissons. Voilà, et puis on continue, on va parler d'étiquetage nutritionnel. Au Pérou, le message d'alerte est très clair. Depuis le 17 juin 2019, au pays des Incas, un étiquetage nutritionnel s'affiche sur les emballages des aliments transformés. Un sinistre octogone noir avec différents avertissements, riche en sucre, sel, graisse saturée ou contient des acides gras trans, et assorti d'un conseil: éviter sa consommation excessive, voire éviter sa consommation tout court. Comment en France, l'industrie agroalimentaire s'est opposée à cet affichage, avançant les risques pour les entreprises? Mais elle a perdu le bras de fer. L'octogone est désormais obligatoire en vertu de la loi pour la promotion d'une alimentation saine pour les enfants et les adolescents, promulguée en 2013. Il s'agit du Pérou, bien entendu. Autre mesure, les cantines et les distributeurs automatiques des établissements scolaires et des hôpitaux ne peuvent plus fournir que des aliments et boissons de bonne qualité. Il y avait urgence à agir. Comme dans la plupart des pays d'Amérique latine, la population péruvienne présente des taux de surpoids et d'obésité élevés, respectivement 37% et 23% des plus de 15 ans. Ce type d'affichage a été mis en place en Équateur dès 2013, sous la forme de feux tricolores. Il existe au Chili depuis 2016, l'Uruguay l'a acté en 2018, le Brésil, comme le Mexique, y travaille. Enfin, au Brésil, il y aura peut-être des difficultés avec le gouvernement d'extrême droite qui soutient les trusts agroalimentaires. Mais enfin, c'est une autre histoire. Voilà, aussi étonnant que ça puisse paraître, l'Amérique du Sud, les pays d'Amérique du Sud, et en particulier le Pérou, est très en avance sur l'Europe concernant l'étiquetage nutritionnel pour les enfants et les adolescents. Voilà. Hein, par exemple, on voit un pot de Nutella qui est marqué dessus « Alto en matière grasse, saturada, saturé, alto en sucre. Je pense, mon espagnol n'est pas très bon, donc je préfère quand même prendre mes précautions de langage. Voilà, ma foi, malgré tout, on continue en France à vendre beaucoup de Nutella, par exemple. Ce produit qui est quand même assez contesté de par sa composition. Voilà, alors, on va parler aussi du thé vert. Alors, on parle d'effet surévalué, c'est que choisir qui le dit. Le thé vert est-il utile en prévention du cancer? C'est loin d'être prouvé. Le réseau national alimentation cancer recherche a fait le point. Les études suggérant un effet anti-inflammatoire et anti-excédent d'un des composants du thé vert sont menées in vitro sur des animaux de laboratoire à de très fortes doses. On ne peut donc pas en tirer des conclusions pour l'homme et pour des quantités correspondant à celles de notre alimentation. De plus, les travaux épidémiologiques sur les populations ayant cherché un lien entre consommation de thé et cancer n'en ont pas trouvé, et aucune étude clinique consistant à faire consommer du thé vert à des sujets pour mettre en évidence un éventuel effet n'a établi de lien avec le cancer. En revanche, du côté des conséquences indésirables, les compléments alimentaires à base d'extraits de thé vert peuvent, à haute dose, être toxiques pour le foie. La boisson elle-même entrave l'absorption du fer, comme le thé noir. Chez les patients traités pour un cancer, elle peut accroître la toxicité de la chimiothérapie et réduire son efficacité. Alors voilà, ben, le thé vert dont on a fait tellement de réclames, ben, on peut quand même s'en méfier, n'est-ce pas? Et puis en plus de ça, bon, le thé vert qui vient de Chine, qui n'est pas bio, quand on sait exactement le traitement des plantations en Chine, on peut avoir quand même des surfroides. Hein, avec les pesticides, etc. Les pesticides qui ne sont plus autorisés en Europe en particulier. Voilà. Avant de s'accorder une pause musicale, on va parler homéopathie. Il y a de l'alcool dans un médicament pour enfants, dans l'homéopathie. Viendrait-il à l'idée d'un parent de donner de l'alcool à sa progéniture pour l'aider à dormir ? C'est pourtant ce qu'il fait avec des gouttes homéopathiques, L72 de Lenning, contre les troubles mineurs du sommeil. Destinée aux adultes comme aux tout-petits à partir de 2 ans et demi, elle comporte un excipient à effet notoire, l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool éthylique, le même que celui présent dans les boissons alcoolisées. Le plus étonnant est que malgré cette composition, ces gouttes sont passées sur la liste des médicaments en accès libre dans les pharmacies. Bien sûr, les 85 mg d'éthanol contenus dans les 10 gouttes à donner le soir au coucher, pendant 5 jours maximum, sont anecdotiques et certainement pas de nature à enivrer ou intoxiquer un petit. Toutefois, dans un contexte d'évitement de tout contact des enfants avec l'alcool, mieux vaut être averti. En outre, l'ingestion accidentelle de la bouteille entière n'est jamais totalement exclue. Enfin, surtout, l'efficacité sur le sommeil de L72 n'est pas établie. Il semble dès lors superflu d'exposer un bambin à une dose d'alcool aussi minime soit-elle. Soyez aussi vigilants car de nombreux produits relevant de l'homéopathie, de la phytothérapie ou de la pharmacopée classique utilisent de l'éthanol pour les formes liquides qu'il s'agisse de sirop ou de gouttes. Citons le Stodal, sirop homéopathique pour la toux des laboratoires Boiron, qui peut être donné aux enfants, les sirops néocodion, nourrissons, fénergan, en arrêt de commercialisation, mais vous pouvez en avoir chez vous, le rinatiol, prométhazine et tucipax, réservé aux plus de 12 ans, affiche aussi un peu d'éthanol. Voilà. On va parler du vélo électrique, c'est du sport, malgré tout. Une étude réalisée auprès de 10 000 personnes se déplaçant en bicyclette, à vélo, assistance électrique, ou autrement dans 7 grandes villes d'Europe, Anvers, Barcelone, Londres, Örebro, Rome, Vienne et Zurich, montre que le niveau d'activité physique est quasiment similaire entre les utilisateurs de vélos avec ou sans moteur, voire légèrement supérieur, chez ceux possédant un VAE. Cela s'explique par les distances plus longues que ces derniers parcourent chaque jour, sachant qu'il leur arrive également d'effectuer leur déplacement sur un vélo classique. Ils sont de ce fait 97% à atteindre les recommandations de l'Organisme mondial de la santé. Nouvelle preuve, s'il en fallait, que le vélo électrique constitue un moyen efficace de maintenir une activité physique, y compris chez celles et ceux qui prennent de l'âge ou ont des problèmes de santé. Voilà. On va parler d'alimentation, mais on va parler de différentes annonces consuméristes, de traitement de la ménopause, en particulier le sur-risque de cancer du sein confirmé. Nous sommes octobre rose et on doit en parler sur le cancer du sein en particulier. Le traitement hormonal de la ménopause, THM, est connu pour entraîner un risque accru de cancer du sein. Une méta-analyse parue le 29 août avec The Lancet précise son ampleur. Pour 5 ans de traitement, il y aurait un cancer du sein en plus par 50 utilisatrices avec prise continue d'un progestatif.

cite certains articles qui sont de portée générale et qui rejoignent l'actualité consumériste, bien entendu. Il ne s'agit pas de traiter un dossier, c'est particulièrement difficile à l'antenne. Je vous renverrai d'ailleurs à cette revue mensuelle pour ce qui est de ces dossiers qui sont particulièrement instructifs et que je citerai en fin d'émission. Alors, la pollution d'air extérieur. Eh bien, on continue l'alerte sur les particules ultra fines. Comme si la pollution de l'air des villes par les particules fines ne suffisait pas, l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, a récemment lancé une alerte sur d'autres particules non réglementées à ce jour. Il s'agit de celles du carbone suie, du carbone organique et surtout des particules ultra fines de l'ordre du nanogramme, soit une taille infinitissimale leur permettant de passer dans le sang. Il existe des niveaux de preuve forts, indique l'agence, de leur impact négatif sur la santé, tant en matière d'infections respiratoires et cardiovasculaires que sur les décès anticipés. Le carbone suie et les particules ultrafines sont en outre soupçonnés d'impacter le développement des performances cognitives de l'enfant. Face à de tels effets désastreux, l'ANSES recommande de cibler en priorité ces trois polluants dans les politiques publiques, en complément des particules PM2,5 et PM10, déjà réglementées. Et selon l'ANSES, il n'y a pas à tergiverser. Les évolutions actuelles du parc automobile restent insuffisantes pour améliorer la qualité de l'air dans les agglomérations et diminuer les émissions néfastes. Outre les innovations technologiques, la promotion de véhicules électriques en zone dense, comme en Île-de-France, les experts en appellent à la réduction du trafic routier. Ils demandent la promotion, le renforcement des transports en commun, de l'intermodalité et des modes actifs de transport, autrement dit la marche, le vélo ou la trottinette. Ben voilà, quelques petits commentaires par rapport à ça, parce que je crois qu'au niveau des transports collectifs, on ne progresse pas, surtout en zone rurale, en zone de montagne, puisqu'on voit plutôt disparaître des liaisons, ou du moins des liaisons être mises sur route que sur le rail. Et donc c'est quand même particulièrement dommageable, à l'heure où véritablement on devrait limiter la circulation automobile, et pas seulement créer de l'électrique, mettre à disposition de l'électrique, parce que, bon, d'une part, c'est très cher, et puis d'autre part, leur fabrication est quand même assez polluante. Et puis bien sûr, on ne sait encore pas recycler les batteries comme on devrait le faire. Donc, et puis, il faudrait multiplier par 30 l'extraction de terres rares pour véritablement alimenter le parc automobile actuel, ce qui paraît absolument impossible à plus ou moins long terme. Voilà, donc, alerte sur les particules ultra fines, diffusée par l'ANSES et puis reprise dans Que choisir du mois d'octobre. Alors, la protection des cours d'eau. Eh bien, Que choisir constate un laxisme propice aux pesticides. C'est pas nouveau, mais là, ça continue. Nouveau permis de polluer pour l'agriculture, titré Que choisir en mars 2018, à propos de la ressource en eau. En cause, un arrêté laxiste signé par le précédent gouvernement qui confiait au préfet le soin de limiter les points d'eau à protéger des pesticides agricoles dans leur département. Depuis, comme nous le dénoncions, dit Que choisir, de nombreux points et cours d'eau ont perdu la zone sans traitement qui les mettait à l'abri de ces pesticides. Un rapport commandé par le gouvernement actuel au Conseil général de l'environnement et du développement durable arrive aux mêmes conclusions. Publié cet été, il constate que, dans de nombreux départements, les rapports de forces locaux ont conduit à une réduction parfois forte, du niveau hydrographique protégé par des zones non traitées, alors que la protection de l'ensemble de ces réseaux est nécessaire pour atteindre les objectifs de qualité des eaux superficielles et réduire les coûts de potabilisation. seuls 44 départements protègent autant leurs cours d'eau qu'avant ce funeste arrêté de 2017. Comme que choisir, les inspecteurs décernent un satisfait site aux 4 départements bretons. Ils protègent tous leurs points d'eau et cours d'eau depuis 2005, fossés et plans d'eau compris. La balle est à présent dans le camp des pouvoirs publics. Eh bien oui, comme quoi on prend des arrêtés. Et puis bon, on laisse au préfet un parfait laxisme pour justement l'eau potable, la protection des cours d'eau plutôt. Puis l'eau potable, bien sûr. Sachant aussi que des trusts agroalimentaires comme Nestlé prélèvent beaucoup trop dans la nappe phréatique des Trias dans les Vosges, hein, dans la région Vittel, Mirecourt, Contrex. Là, il y a trop de prélèvements d'eau et là encore, on peut se poser des questions sur le rôle des préfectures, des conseils départementaux dans la gestion de la ressource en eau. Voilà donc la protection des cours d'eau et ce laxisme constaté propice aux pesticides. Alors, on reparle de Samsung. Elle dit et se pose la question, une éthique en toc. Non, les entreprises ne peuvent pas faire de belles promesses sans les tenir, y compris en ce qui concerne l'éthique. Samsung France et sa maison mère coréenne ont été mis en examen fin juin pour pratiques commerciales trompeuses. Voilà, je cite. À la suite de la plainte avec constitution de partie civile de deux organisations non gouvernementales, Sherpa et Action Aide France, Peuple solidaire. Ces dernières leur reprochent des violations graves des droits fondamentaux, emploi d'enfants de moins de 16 ans, horaires de travail abusifs, conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine et mise en danger des travailleurs dans leurs usines en Chine, en Corée du Sud et au Vietnam. D'autant plus dérangeant que Samsung déclare sur son site qu'il, je cite, « s'engage à respecter les lois et réglementations locales ainsi qu'à appliquer un strict code de conduite global à l'ensemble de son personnel. Il a comme, là encore citation, objectif de devenir l'une des entreprises les plus éthiques du monde. » Voilà, ça se passe de commentaires hein, quand on voit ce qui est déclaré et puis ce qui est fait réellement hein, dans des boîtes comme Samsung. Il y a de quoi quand même s'indigner. Voilà. Alors, je terminerai, enfin non, pas terminé encore, par le billet d'Alain Vazot, qui est président de l'UFC Que Choisir, à propos de la TVA, et qui constate que la machine à taxer s'emballe. À l'automne venu, la grogne fiscale n'est jamais loin. Avec le mouvement des Gilets jaunes, le gouvernement l'a appris à ses dépens. Les feuilles d'impôts tombent et les dépenses de chauffage s'envolent, alors que s'éloigne à peine celle de la rentrée des classes. Or, une aberration pointée par cette crise du pouvoir d'achat fait toujours légitimement protester et n'est toujours pas corrigée. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, sur les taxes. Car vous l'ignorez peut-être, mais à chaque plein d'essence et dans chaque facture d'électricité, de gaz domestique ou de fuel, vous payez de la TVA sur les taxes. Avec l'explosion de ces dernières dans le domaine énergétique, cette TVA assise non sur l'énergie consommée, mais sur des taxes, est un véritable hold-up fiscal. Comment justifier ce dévoiement d'un impôt qui affecte déjà lourdement les consommateurs? Et n'allez pas croire que je m'élève contre des nefles, dit Alain Vazot. Cette taxe sur la taxe représente 14 centimes d'euros pour chaque litre d'essence, et près de 60 euros par an pour les ménages qui se chauffent à l'électricité. Au total, les dépenses d'énergie de première nécessité ont été renchéries l'année dernière de près de 5 milliards d'euros du fait de cette anomalie. Alors, si vous voulez montrer au gouvernement de quel bois les consommateurs se chauffent, signez la pétition pour obtenir l'abolition de l'inadmissible double peine fiscale que constitue la TVA sur les taxes. Rendez-vous sur UFCQC/pétition TVA 584. Pétition TVA d'un seul mot, 584. Voilà, enfin, vous pourrez trouver ça sur le site de Que Choisir. Et puis, vous pourrez retrouver Alain Bazot sur son blog www.alain-bazot.fr. Voilà. Voilà pour ces différents sujets qui concernent l'actualité consumériste. Avant d'entamer les différents dossiers consuméristes du mois d'octobre, on va peut-être s'accorder une pause musicale, mais on va encore parler d'autre chose en attendant. À savoir. Alors, les réseaux mobiles, là, oui, il fallait en parler. 5G, attention aux fausses promesses. L'UFC Que Choisir a alerté l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, ça existe, sur le projet de régulation de la 5G. Cette technologie pour les réseaux mobiles, qui offre en théorie des débits de transfert des données largement supérieurs à la 4G, devait être commercialisée en 2020. Le cahier des charges de l'ARCEP comporte de nombreuses failles portant atteinte à l'intérêt des consommateurs. D'abord, les conditions d'attribution de certaines fréquences par un système de mise aux enchères pour aboutir à une variation des débits maximaux du simple au double entre Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Ensuite, comme le projet n'inclut aucune règle en matière de communication grand public, la campagne publicitaire de ces opérateurs risque d'être remplie de fausses promesses. Enfin, les modalités de déploiement ne prévoient pas un taux de couverture de la population, mais un nombre minimal de sites émetteurs, au moins 12 000 au 31/12/2025, qui seront placés à leur discrétion. Il est alors à craindre qu'une grande partie des foyers français, notamment ceux des zones rurales, soient de fait exclus de la 5G. L'UFC Que Choisir a donc demandé à l'ARCEP de revoir sa copie pour garantir un taux de couverture de la population, une qualité de service minimale et un encadrement de marketing des opérateurs afin d'éviter les annonces en trompe-l'œil. L'association entend suivre de près ce dossier et agira contre toute pratique commerciale trompeuse. Et puis, deux nouvelles brèves. Il y a Prixel. À l'initiative de l'UFC Que Choisir, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Prixel à supprimer les clauses illégales de ses conditions d'abonnement. Susceptible d'appel, ce jugement impose à cet opérateur de téléphone mobile d'assumer son obligation de résultat en cas de difficulté rencontrée par ses clients. Et s'agissant du miel, autre annonce, au 1er janvier 2020, selon un décret annoncé par le gouvernement, l'étiquetage précisant le ou les pays d'origine du miel sera obligatoire. Une mesure réclamée par l'UFC Que Choisir et puis par les apiculteurs, bien sûr, y compris Vosgiens. On l'a vu dans une émission récente sur le miel à l'initiative de l'abeille vosgienne. Voilà, on va s'accorder une dernière pause musicale avant de conclure cette émission en citant les différents dossiers consuméristes du mois d'octobre. Oh, je sens. Thank you. Et c'est reparti pour ce dossier consommateur. Alors, quel de citer rapidement les dossiers, puisque nous arrivons au terme de cette émission, en particulier les inondations. Pourquoi les inondations ? Parce que nous sommes à l'automne et que dans de nombreuses régions de France, en particulier dans le Midi, il y a souvent des drames dus aux inondations. Alors, que choisir s'interroge dans un dossier. Pourquoi tant de drames ? Je vous laisse à la lecture de Que choisir du mois d'octobre, un dossier particulièrement intéressant, puisque les inondations restent meurtrières en France. Si leur caractère exceptionnel et le réchauffement climatique sont chaque fois invoqués, il faut surtout rechercher les causes ailleurs. Et voilà, et donc Que choisir de développer sur plusieurs pages donc, ces problèmes d'inondation. Et puis parler des règles, bien sûr, d'indemnisation. Voilà. Il y a un dossier exactement qui concerne les dettes locatives, par exemple avec 2 ans de loyer partis en fumée. Et puis, on parle aussi des enceintes connectées, qui sont une menace sur notre vie privée. Les enceintes connectées ne sont qu'une nouvelle intrusion dans notre sphère intime et n'apportent aucun service novateur. Faites attention si vous y succombez, pardon. Alors, et que choisir de décrire longuement ? Comment vos données alimentent le ciblage publicitaire ? Alors, il y a tout un schéma, bien sûr, que je vous laisse découvrir dans Que choisir du mois d'octobre, qui est déjà paru depuis un petit moment dans les kiosques. D'ailleurs, les enceintes sélectionnent elles-mêmes les sources d'informations, nous privant ainsi de notre liberté de choix. On reparle des smartphones. Ils génèrent trop d'ondes, d'après Que choisir. L'Agence nationale des fréquences épingle régulièrement des smartphones pour la puissance excessive des ondes qu'ils émettent. Certains ont même été interdits. Voilà, alors le DAS ou débit d'absorption spécifique mesure le niveau des radiofréquences émises par les smartphones vers l'utilisateur lorsque l'appareil fonctionne à pleine puissance. Les limites autorisées ont été fixées en ne tenant compte que des effets avérés de l'exposition aux ondes comme l'échauffement des tissus du corps humain. Elles n'ont pas été révisées depuis 1998. La méthodologie définie pour mesurer le DAS est sévère. Le smartphone doit émettre à sa puissance maximale de manière continue durant 6 minutes. Mais dans la réalité, il n'émet ainsi que lorsqu'il a du mal à trouver du réseau. De plus, d'après l'ANFR, le téléphone n'émet que la moitié du temps lors des appels, seulement 10% du temps au cours d'un usage data. Voilà, alors, c'est toujours pareil, très, très controversé, mais de toute façon, globalement, les smartphones génèrent trop d'ondes, et ce n'est pas forcément bon pour la santé, loin s'en faut. Voilà, on arrive au terme de cette émission, il reste quelques minutes. Il reste 2 minutes, alors on va lancer indicatif. On vous souhaite une très très bonne fin de journée à toutes et à tous, et on vous donne rendez-vous mardi prochain. Pour un magazine santé, je vous souhaite une très très bonne fin de soirée à toutes et à tous, bien sûr, et je vous annonce déjà le prochain magazine santé, non seulement. Non, avant le magazine santé, on aura un magazine juridique avec Nancy Rizacher, avocat, docteur en droit au barreau d'Épinal. On aura le magazine santé ensuite, et après ceci... parler des pétales rouges, c'est-à-dire de la culture du safran, en particulier de l'extraction du safran, avec un fermier producteur ou une fermière productrice de Ruau. Voilà. Je vous souhaite encore une fois une très très bonne soirée à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une émission. La parole est à vous.